Cela commence toujours par un mélange de noir et d'odeur. On ne baisse pas la tête pour franchir le seuil. On appartient au monde de l'enfance. Les adultes, eux, courbent leurs épaules au passage. D'abord, on est aveugle. Le soleil tape trop fort dehors. Les ouvertures sont minuscules dedans. On tâte du pied les grandes dalles du sol, irrégulières, toujours un peu humides, malgré juillet. Ici, tout est mouillé. Les murs suintent, des fleurs d'écuminesse qui s'effritent entre les doigts. L'odeur elle-même charrie du moite. Choux en fermentation, prunes pourries, pommes blettes. Les vaches, de l'autre côté de la cloison, piétinent la paille souillée d'urine. L'odeur est un coup fin, un giron. On peut s'y abandonner, c'est chaud et suffocant. Peut-être que cela empêche la peur d'entrer. Le temps de fuir. Lorsque les yeux s'habituent à la pénombre, on la voit, proche du fourneau. Ses mains vont et viennent, comme toujours. La laine entre ses doigts est noire, la robe noire, le tablier noir. On ne sait pas encore qu'on lui appartient, que le noir racine qui la tient debout a lancé des germes au-delà d'elle-même, sautant d'une génération à l'autre. Ceux qui se sont arrachés à l'ici n'y pourront rien. Dès l'origine, on a les pieds soudés à la terre, terre battue et rebattue, comme ceux qui n'ont pas de nom et pas d'histoire. Avec la première chasse aux cétoines, la première pêche au veron, on est ferré. Le trident s'est planté là où ce n'était pas prévu, dans la chair fraîche, à même la gorge. Les poissons ne crient pas, juste quelques sursauts sur la berge, quelques torsions dans la poêle. Les insectes, les papillons, meurent en silence, leurs ailes déchirées sous les coups maladroits du filet. La langue du monde n'a pas de bouche. Les lèvres de celle qui cache ses larmes sont cousues. Son savoir est muré, enfoui sous un amas de chemises de peau et jupons superposés. Dans l'ombre stagnante de la maison se glissent parfois d'étranges lueurs, des lézardes bleues. Il faut courir. Droit vers ce qui brille, écaille ou élytre, traverser le silence exorbitant de ce qui ne cesse de bruire sans énoncer une parole. Obéir à la voix sans contour, s'éloigner de, s'avancer vers, reculer, approcher, clairière ou grotte, on ne sait. Courir chaque été dans la dévorante battue, sans savoir où mène cette errance, sans la moindre assurance de recevoir la manne. Quelques secondes d'apesanteur, quelques grains d'extase fissurant la nuit. Et l'on revient chaque soir vers elle et ses genoux usés. On réintègre le cœur du sombre, le vieux berceau noir qu'une vie entière ne suffira pas à déchiffrer. L'exil a la couleur de l'encre, l'odeur du papier. Bâton répété obstinément, ligne de lettres et bientôt de mots, jetés d'une rive à l'autre par-dessus l'absence. Tandis que la main s'enhardit, la toute de noir vêtue décline. On ne saura rien du sang répandu qui a noyé son âme, de la boue des tranchées pétrifiées dans son corps, ensevelissant l'aimé, puis le frère trop jeune, puis les rêves. Les mots ont des dorures de cétoine, des pigments de truite arc-en-ciel. Sous leur masse immobile vibre la vie. Il suffit de les soulever un à un avec précaution, comme on lève les pierres au fond de la rivière, pour voir apparaître ce qu'on ignorait. Les mots gonflent dans la gorge, là où d'anciennes morsures ont laissé leurs cicatrices. Les mots roulent comme des larmes sur la page. Les mots déferlent et courent sur le moindre brin d'herbe. Le monde est rempli de signes. Lire, écrire, même emportement. Lire, écrire, contre l'obscur. Avec l'âpre espoir de passer le seuil sans baisser la tête.